konen mwen men, men a lè ki lè, mwen a mwen vin chanje. Di maman chéri, ou konen mwen men, men a lè ki lè, mwen a mwen vin chanje. Lè te fè kren men, nou te viv trè bien, men a nè si la, men chéri pap sa gete. Lè te fè kren men, nou te viv trè bien, mais à Nessie là, mes chéris peuvent s'arrêter. Dis maman chérie, on connaît mon mère, mais à l'air qu'il est, moi à moi envie de changer. Maman chérie, ou konnen mwen men, men a lè ki lè, mwen a mwen anvi chanje. Lè te fè kren men, nou te viv trè bien, men a nè si la, men chéri pap sa rete. Lè te fè kren men, nou te viv trè bien, men a nè si la, men chéri pap sa rete. Lè mwen te pap tade ou. Mwen te pou gade.